بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Nous envoyâmes Noé vers son peuple, en lui disant « Avertis ton peuple, avant que ne fonde sur eux un supplice très douloureux. » « Bon, peuple mien, dit-il, je suis là pour vous avertir, en toute clarté. » « Adorez Allah, craignez-le, obéissez-moi. » إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Il vous pardonnera alors vos péchés et sursoira à votre jugement pour un terme déjà nommé. Car le terme décrété par Allah ne pourra être retardé si seulement vous saviez. قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا. Seigneur, dit-il plus tard, je n'ai fait qu'exhorter mon peuple nuit et jour. فَلَمْ يَزِدَهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. Mais mon appel n'a fait que les faire fuir davantage. Chaque fois que je les appelais pour que tu leur pardonnes leurs péchés, ils se bouchaient les oreilles avec leurs doigts, s'emmitouflaient dans leurs vêtements et s'obstinaient, orgueilleux et dédaigneux. Je les ai alors exhortés publiquement. Puis, je me suis adressé à eux, tantôt ouvertement, tantôt sur le ton de la confidence. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est très absoluteur. Il vous enverra du ciel d'abondante pluie. Vous dispensera avec largesse beaucoup de richesses et d'enfants, et vous accordera des jardins, et vous accordera des rivières. Pourquoi donc ne témoignez-vous à Allah aucune vénération digne de ce nom? C'est bien lui qui vous a pourtant créé par étapes. Ne voyez-vous pas comment Allah a créé sept cieux qui se superposent? Il a mis la lune comme lumière et le soleil comme flambeau. C'est bien Allah qui vous a fait pousser, à partir de la terre telle des plantes. Vous y fera retourner, puis vous en fera réellement ressurgir. Et c'est Allah qui a fait pour vous de la terre un tapis. Pour que vous puissiez emprunter ces larges chemins. Noé s'écria, ils m'ont, Seigneur, désobéi. Ils ont suivi celui que ses biens et ses enfants ne font que ruiner davantage. Ils ont tramé une grande intrigue. Ne délaissez point vos divinités, ont-ils enjoint. N'abandonnez point Wad, Suwa, Yahuf, Yauk et Nasser. Ils ont déjà égaré beaucoup d'hommes. Fais, ô Allah, que les injustes s'égarent davantage. C'est pour leur faute qu'ils furent alors noyés, puis jetés au feu, où ils ne trouvèrent contre Allah point d'allier. Noé dit, Seigneur, ne laisse sur terre aucun mécréant, pas un seul. Car si tu les laisses, ils égareront tes serviteurs, et n'engendreront que des pervers et des mécréants ingrats. Seigneur, pardonne-moi à mes deux parents, à tous ceux qui entrent dans ma maison en ayant la foi, ainsi qu'à tous les croyants et à toutes les croyantes. Et ajoute, Seigneur, à la ruine des injustes.